Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'était fou en 2009, édition anglo. Bonjour, bienvenue à C'était fou en 2009, édition anglo. C'est l'édition spéciale des Palmarès C'est fou. On fait le récapitulatif de l'année 2009 au grand complet, mais en musique anglophone. On va avoir plein de très, très bonnes pièces qui ont duré très longtemps. Commençons tout de suite avec la 47e. Avant ça, parlons un petit peu des positions 50, 49 et 48. En 50e position, on trouve Alice in Chains avec Last of My Mind. En 49e, Black Diamond Bay avec Brothers in Exile. En 48e, Planted de The Guest Bedroom. On écoute Library Voices, voici Step Off the Map and Float qui a été numéro 3 pour une numéro 3 semaine en janvier. C'était pour une semaine en janvier, j'imagine. Tout de suite, à C'était fou en 2009. Suivra You Say Party, We Say Die en 45e. Entre les deux, on sautait par-dessus Pete Moss et She's So Crazy. Vous êtes au 89.1 FM. morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to fight. Position numéro 45 du palmarès de l'année 2009 du côté anglophone, c'était You Say Party, We Say Die avec There's Love Within My Heart. Ça a été numéro 1 la semaine du 30 octobre et ça a été sur le palmarès pendant 7 semaines. Avant de continuer, hein, je vous rappelle qu'on va entrer dans le top 20 dans une quinzaine de minutes environ et on va se faire les positions 20 à 1 au complet. Mais pour l'instant, on s'écoute les deux prochaines. La 44e est occupée par We Are Wolves. Voici Paloma qui sera suivie de Zeus avec Marching Through Your Head en 43e. Vous êtes à C'était Fou en 2009. Oh, numéro 43. Do you feel it all the time? The way she preys upon your mind. She's a fiend for love, that's all. Body's taking all the time. The way we feel that old red wine. It's a squeeze and you feel it. Living another day in someone else's fantasy. C'est Marching Through Your Head en 43e position de l'année 2009 du côté anglophone. Ça a été numéro 1 la semaine du 9 octobre. Avant, c'était la 44e Paloma de We Are Wolves. Ça a été numéro 1 la semaine du 18 novembre. Donc, vous le voyez, depuis le début de l'émission, depuis une vingtaine de minutes, on joue pas mal de choses récentes. Tu sais, Zeus, We Are Wolves, You Say Party, We Say Die, entre autres. Donc, des fois, il y a des choses qui sont très bonnes l'automne. Hein? C'est ce que ça veut dire. L'automne est particulièrement rempli de bonnes choses. Le reste de l'année était pas mauvais, là. Alors, on saute par-dessus la 42e place. On l'a entendu dans d'autres émissions ici à C'est Fou cette semaine, dans nos rétrospectives de l'année. C'est Au Bijou avec Black Ice. On va directement à la 41e et on parle le moins longtemps possible pour entrer le plus de pièces possible dans cette demi-heure. Voici Los Campesinos et We Are Beautiful, We Are Doomed. C'était fou en 2009. You kiss my neck, I whisper in your ear. This is my dying flesh. You squint and you grimace. We both know your heart's not in it. In a glow of a thousand fireflies, no travelodge on suite. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak, and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. Have different names. I tell a joke, I'd like to meet them, but they loathe me and I hate them back. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. Stop counting days until I fly with hours before your reply. Yeah. I taught myself the only way to vaguely get along in love is to like the other slightly less than you get in return. I keep feeling like I'm being undercut. Charlotte says it's more constructive than the one in Canada when you got drunk, ate loads of crisp and threw up by a football pitch. I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. Las Campesinos, c'est We Are Beautiful, We Are Doomed en 41e place du palmarès 2009 en anglophone. Ça a été numéro 1 la semaine du 6 février. On saute par-dessus la 40e D avec Hot et la 39e Winter Gloves avec Let Me Drive. Mais ne vous en faites pas pour Winter Gloves parce qu'on les retrouve plusieurs autres fois et même une fois dans le top 20. Donc on les écoutera tout à l'heure quand on entrera dans le top 20 dans une cinquaine de minutes. On s'en va entendre tout de suite Figgy and Sarah. On parle pas plus longtemps, il nous reste pas grand temps dans cette demi-heure-là. Les voici avec Hell et je sais que c'est récent, je sais que ça a joué beaucoup très récemment. T'sais. Mais c'est une de mes pièces préférées de l'année. Voici Figgy and Sarah et Hell, c'était fou en 2009. No, I'm Tegan and Sarah avec la 38e position du palmarès anglophone pour 2009. Ça a été numéro 1 pendant deux semaines. Les semaines du 6 novembre et du 13 novembre. Ça a été 7 semaines dans le palmarès. On va sauter par-dessus plein de choses, hein, parce que la demi-heure est terminée. On va entrer dans le top 20 juste après la pause. Faisons un récapitulatif rapide. 37e, The Mars Volta avec Cotopaxi. 36e, The Novaks avec Why Wonder. En 35e, Spiral Beach avec Mego Round and Mania. 34e, The Decemberists avec Won't Want for Love. En 33e, Pete Moss avec Boots, Babes and Barbecue. 32e, c'est Jetstream de la formation de Doves. Et en 31e, je l'ai dit déjà, on va les entendre plus tard et... Ils sont pas mal présents dans le top 50, c'est Winter Gloves avec Hillside. On va se quitter tout de suite avec la position numéro 30 pour cette demi-heure. Et ça va être Gentleman Reg avec Coastline qui a été sur notre palmarès pendant 8 semaines, dont la position numéro 2 pendant la semaine du 24 avril. C'est jamais monté au numéro 1, ça, étrangement, mais ça a joué beaucoup. On va se quitter avec ça, Gentleman Reg. Ensuite, faisons tout de suite le reste du récapitulatif. En 29e, c'est The Bicycles avec One Twist Too Much. En 28, Two Hours Traffic avec Noisemaker. 27e Metric, Gold Guns Girls, eux aussi on va les réentendre dans le top 20. En 26e, Lost Woman de Steve Hill and the Majestics. 25e, Winter Hill de The Doves. 24e, My Son the Bomb avec Knockin' Fots. 23e, White Cowbell Oklahoma avec Piece of the Action. 22e, Young Hussies de Slim Twig. Et finalement, la 21e place est occupée par Bad for Lashes avec Daniel. Voilà, donc on saute dans le top 20 juste après la pause, mais pour l'instant, la position numéro 30, Gentleman Reg et Coastline, tout de suite. Let's go down off a coast too far. Almost dry out off a coast too far. Shake your shoulder, lazy near and far. But at the same time. On skin like we undress. Beauty of the swim where we do best. But that's not why I'm here in this disguise. Send it to me near under the sky. We'll

Mastercraft et It Ain't Love en position numéro 18. C'est de l'album Fist of God. Ça a été numéro 1 la semaine du 22 mai. C'était précédé de Metric et Sick Muse en 19e. C'était numéro 1 la semaine du 8 mai. Au début du bloc, c'était Surefire Machine et Paparazzi en 20e. Tout à l'heure, Marcy Playground et Ruby Coast. Mais voici tout de suite la 17e place du palmarès de l'année 2009. C'est Parler et Pen to the Paper. C'était fou en 2009, édition anglo. Believes into me. Don't think numéro 15. Playground et Blackbird, c'est en 15e position de l'année 2009 du côté anglophone. Ça a été numéro 5. Ça a jamais monté plus haut que numéro 5, dur à croire, la semaine du 6 novembre. Avant, c'était Ruby Coast et More Than Television en 16e. C'est une de mes pièces préférées à moi de l'année. Ça a été numéro 1 la semaine du 23 janvier. Restez là parce que dans la deuxième heure, il va y avoir New York Dolls et Standing Walls en plus de Snoo dans C'était Fou en 2009, édition anglo. Vous êtes toujours à C'était Fou en 2009, édition anglo. On se récapitule l'année 2009 au complet du côté anglophone. Vous l'aurez deviné. Hein? Dans le prochain bloc, on va entendre les positions 12, 13 et 14. Tout à l'heure, New York Dolls et Standing Walls. On commence par la 14e parce qu'on y va vers le numéro 1. C'est un décompte, finalement. Voici Snoo et Stand Up High. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Yeah! numéro 13. Your camera, someone you up for smoking a joint. New York Dolls et Cause I Said So en 12e position du palmarès 2009 du côté anglophone. Ils ont été numéro 1 la semaine du 21 août. Avant, c'était Standing Waltz et Can't Break Me en 13e, qui a été numéro 1 la semaine du 28 août. On a débuté avec Snoo et Stand Up High en 14e. Ça a été numéro 1 la semaine du 4 septembre. Vous êtes à C'était Fou en 2009, le récapitulatif de l'année au complet du côté anglophone. On fera l'édition francophone demain, jeudi, entre 13h et 15h. Soyez-y. Et pour ceux qui écoutent la rediffusion du vendredi soir entre 17h et 21h pour cette semaine seulement, et bien ça va suivre juste après la fin du palmarès anglophone, des palmarès francophones. Ça va être génial, malade! Dans le prochain bloc, on va entendre The Bird and the Bee. On commence avec Pete Moss, mais avant ça, je mentionne qu'on saute par-dessus la 11e position qui est Surefire Machine et Blue Bloods. On les a entendus plus tôt dans l'émission en 20e avec Paparazzi. Alors on sauve du temps et on saute directement à Pete Moss. Voici 24 Women. Non, pas ça, pas ça. 24 Women. Ah! C'était fou, hein, 2009! Take it on the world just to make my money. Give it to the that's a chance I'm willing to take. Numéro 9. When I was a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked. Avec une de mes pièces préférées de l'année, mais aussi le numéro 9 de l'année du côté anglophone. Pour C'est fou au complet, Diamond Dave de la formation The Bird and the Bee. Leur album s'appelle Raygun's Not Just the Future. Oui, et ça a été numéro 1 la semaine du 3 avril. Avant ça, la 10e position est occupée par Pete Moss et 24 Women. Ça a été numéro 1 la semaine du 13 février. Vous êtes à C'était fou en 2009, le récapitulatif de l'année au complet du côté anglophone aujourd'hui. On fera le francophone demain. Et pour les auditeurs du vendredi soir, ben, ce sera juste après l'édition anglophone. Alors restez avec nous, quoi qu'il arrive. Et en passant, les gens du vendredi, il n'y a pas du temps de l'enfer aujourd'hui, donc on va passer les 4 heures au grand complet, ce qui arrive rarement. Pas du tout. Dans le prochain bloc, il va y avoir Metric et Sub, mais on commence par la 8e position. Voici Graveyard Smash et Relief Maps, qui était numéro 1 pour la semaine du 6 mars 2009. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Thank you. numéro 7. Retour Metric, Gaslight Anthem, Winter Gloves et qui sera notre numéro 1? Vous écoutez C'était fou en 2009. Écoutez encore. Continuez d'écouter finalement, restez là. Numéro 6. I can feel you, most wanna Satellite Mind de la formation Matrix est en sixième position du palmarès de l'année au complet du côté anglophone. Leur album est Fantasies. Ça a été sur notre palmarès pendant 10 semaines et c'est monté au numéro 1 pour la semaine du 3 juillet. Avant, c'était la septième position Sub avec Black Gold. Et ça a été numéro 1 pendant 3 semaines. Celle du 10 juillet, du 31 juillet et du 30 et du 7 août. Oui, voilà. C'est dit. On entre dans le top 5, hein, on a presque déjà terminé. On va savoir qui est notre numéro 1. Est-ce que c'est Plagia? Est-ce que c'est Winter Gloves? Est-ce que c'est Red Jumpsuit Apparatus? Est-ce que c'est Band of Skulls? Je sais que c'est pas Gaslight Anthem parce qu'ils sont en 5e position. Voici The 59 Sound au 89.1 FM. C'était fou en 2009.

Deux de mes pièces préférées de l'année au grand complet, hein, ça, vraiment, il faut que je le dise quand ça arrive. Ça, c'était le numéro 3 anglophone de l'année, Plagiat avec Beautiful Explosion. Ça a duré 10 semaines et ça a été numéro 1 pour la semaine du 13 mars. Avant, c'était Winter Gloves avec Invisible, qui donc est de l'album About a Girl et a été numéro 1 la semaine du 20 mars. Et on a débuté avec Gaslight Anthem et le 59 Sound. Ça a été numéro 1 la semaine du 10. Du 10 quoi? De quel mois? Avril, ben, comment on sait? On est presque arrivé à la fin de C'était fou en 2009 pour l'édition anglophone. Je vous rappelle que l'édition francophone va être diffusée demain, jeudi, entre 13h et 15h. Et si vous écoutez le vendredi soir, parce que l'émission va être diffusée entre 17h et 21h vendredi, eh bien, l'édition francophone va suivre cette diffusion de l'édition anglophone. C'est pas merveilleux, ça? Oui, seul. On est rendu aux positions 2 et 1. Et vous savez, comme la tradition le veut, je dois faire des jeux de mots par rapport à la position numéro 1. C'est vraiment tellement difficile, je suis obligé de vraiment... Mettre à genoux, regarder en l'air vers les cieux, hein, les cieux, et prier pour un miracle qui m'arrive par la bouche, comme ça vient de le faire avec la pièce You Better Praise. C'était mon jeu de mieux. Numéro 2, tout de suite, voici Band of Skulls et Fires. Ça a duré 12 semaines, ça a été numéro 1 la semaine du 23 octobre. C'était fou, en 2009. Yeah! et en première position. C'était le grand numéro 1 de l'année au complet du côté anglophone. Avant de dire le numéro 1, on va faire le top 5 pour faire changement. En cinquième position de l'année, c'est Gaslight Anthem avec The 59 Sound. En quatrième, Winter Gloves avec Invisible. En troisième, Plagia avec Beautiful Explosion. En deuxième, c'est Fires de Band of Skulls. Et on vient d'entendre le grand numéro 1 qui était là pendant 12 semaines dans notre palmarès, mais entre autres numéro 1 la semaine du 27 mars, c'était You Better Pray de Red Jumpsuit Apparatus. J'avais presque oublié cette pièce-là, moi, et ce groupe-là au complet. Finalement, ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Okay, ouais. Même si elle a passé 12 semaines dans les palmarès, c'est que tu animes les palmarès. Ouais, c'est ça. Presque oublié. Ça veut pas dire que je l'appréciais tant que ça, tu sais. Mais elle était là longtemps. C'est ça, hein, le top de l'année, comme ça, c'est les choix. C'est pas nos choix personnels, c'est des animateurs. C'est ça. Absolument, absolument. Alors, on va se quitter avec quelques petites pièces, hein, parce que vous savez, c'est un top 50. On a écouté pas mal les 20 premières. On a sauté par-dessus plein de choses. On va se quitter avec deux pièces de Bicycles, qui est en position numéro 29 avec One Twist Too Much. Très courte pièce, j'adore ça. C'est super, super bon. Mais on commence avec Bat for Lashes. Eux, on les retrouve en position numéro 21 avec Daniel. Ça, j'aime beaucoup ça. Et Assemblage Requis s'en vient dans quelques minutes. Restez là. Restez là. Oui, l'édition francophone de cet effort 2009, ce sera demain jeudi de 13h à 15h. Et si vous écoutez le vendredi, ça s'en vient juste là, là. Là, là. Attention, hey, faut regarder là, juste là. Là, là. Là. Puis tu sais, je finis en pesant sur la mauvaise pièce. C'est chic au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Là. Là, là. Là, là. Ça s'en vient juste après la pause. Moi, je capote. En tout cas, moi, je sais pas. Je suis pas pour toi. Ben oui. Tu capotes-tu? Ben pour ceux qui écoutent le vendredi, moi, je serai plus là après la pause. Ah, hey, c'est comme de la magie, ça, qui va le faire d'apparition. Je vais revenir plus tard dans l'émission, plus tard dans la soirée. Vers la fin de l'émission, là? Ouais. Wow, ça va être malade.